Chapitre 22e. Madame de Fontrose me présenta sa main, dont s'empara le vicomte plus prompt que moi. Nous allâmes nous mettre à table. La baronne, qui n'était sortie de son recueillement profond que pour me fixer de temps en temps, rompit le silence par un grand éclat de rire. Le vicomte lui demanda la cause de cette gaieté subite. « Je viens de trouver pour cette jeune fille, nous dit-elle, une place qui lui convient merveilleusement de toutes les manières. »« Une place ? » s'écria le vicomte. « Une place, oui. Factotum femelle. Elle sera demoiselle de compagnie, secrétaire et lectrice de Madame de Lignol. »« La petite comtesse, oui. » »« Une demoiselle de compagnie à la petite comtesse. On en rira. » »« Qu'importe, vicomte. Elle en veut une. Celle que je vais lui donner en vaut bien une autre, je crois. » Mais à cause de Monsieur Lignol, Monsieur de Lignol est un fort vilain homme à qui j'en veux depuis longtemps. Une de mes intimes amies lui reproche des torts, de ces torts qu'une femme ne pardonne point. Mademoiselle du Portail, ajouta la baronne en se tournant vers moi, je vous recommande la petite comtesse. Elle est jeune et jolie, un peu étourdie, très vive, impérieuse à l'excès, capricieuse aussi. Je lui connais une fantaisie qu'elle affectionne. Souvent, il lui arrive de vouloir être prude pendant un quart d'heure. Alors, jouant la profonde ignorance de la Vierge la plus inepte, elle se refuse aux plaisanteries les plus ordinaires, et l'instant d'après, vous l'entendrez vous tenir, d'un air très indifférent, un propos très leste. Au reste, elle a des travers qui la perdront, si elle n'y prend garde. À son âge, elle fuit le monde. Personne ne la rencontre nulle part, et peu de gens ont le bonheur de la trouver chez elle. Je crois bien que ce vilain mari n'est pas fâché de cette économique retraite. Mais ce n'est pas lui qui l'exige, car c'est elle qui commande. Monsieur de Faublas, je vous charge de former cet enfant. Songez que c'est un effet qu'il faut mettre dans la société. Ah, ma Sophie, madame la baronne, ma Sophie! Oui, oui, votre Sophie. Fripon non moins fortuné que dangereux, si le bruit public ne m'a pas trompé sur votre caractère et sur vos talents, Sophie, puisqu'elle est absente, ne sauvera pas la comtesse. Je ne vous dirai qu'un seul mot sur son époux. C'est un homme épais, mal fait dans sa grande taille, et dont la grosse figure fut peut-être belle dans son temps, mais n'eut jamais d'expression. On assure que plusieurs femmes ont tenté de lui plaire, mais on n'en peut citer qu'une qui l'ait aimé. Ce monsieur a consacré sa vie aux muses. Il est du nombre de ces petits beaux esprits de qualité dont Paris fourmille, de ces nobles littérateurs qui croient aller au temple de mémoire par des quatrains périodiquement imprimés dans les papiers publics. Il raffolera de vous, si vous prenez la peine de déclamer contre la philosophie moderne et de deviner des énigmes. « Voilà, madame, dit monsieur de Valbrun, un portrait fait de main de maître. Je reconnais le pinceau d'une femme offensée. « Vicomte, répondit-elle, je ne vous ai pas dit que ce fut moi qui eusse à me plaindre de lui. « Maintenant, je le jurerai, répliqua-t-il. Mais aussi, de quoi vous avisez-vous ? » Je les interrompis tous les deux pour leur faire cette observation. Au lieu d'être femme chez la comtesse, ne puis-je pas être femme ailleurs ? Serait-il impossible qu'avec ces habits je pénétrasse dans le couvent de ma Sophie ? « Aujourd'hui, répondit le vicomte, le péril serait extrême, et puis le moyen de rester. » La baronne l'interrompit. « Attendez, car je m'intéresse à sa jeune femme. Chevalier, vous me donnez l'idée d'un projet dont le succès est infaillible. Demain, oui demain, je vous le promets, j'irai moi-même au couvent de Sophie, m'informer s'il n'y aurait pas une chambre. Pour une jeune veuve de vos amis que vous vous chargeriez d'amener après-demain, madame la baronne. Après-demain, non, mais à la fin de la semaine. Oh, ma Sophie, ne sautez donc pas, me dit madame Fontrose, vous allez vous décoiffer. Elle ajouta, j'admire ce stratagème autant que je l'approuve. On ne croira jamais ce que fut un mari qui s'en avisa. Madame, dit le vicomte, nous pouvons partir, il fait nuit. Mais croyez-vous que madame de Lignol prenne sa demoiselle de compagnie dès ce soir? Oui, monsieur, j'en fais mon affaire. Et monsieur de Lignol ne s'opposera point à cette fantaisie de sa femme? Vous savez que monsieur n'a pas de volonté quand madame a parlé. Vous savez bien que quand la comtesse a prononcé le fatal « je veux », il faut que le comte veuille. « Partons, chevalier, » ajouta-t-elle. « Vous vous nommerez mademoiselle de Brumont. » Nous descendîmes. Comme je montais dans la voiture, je vis qu'on plaçait une malle derrière. « Elle renferme votre trousseau, » me dit la baronne. Je priai le comte de me venir voir chez Madame de Lignol le lendemain. Il me promit qu'il s'y rendrait à l'entrée de la nuit pour m'informer de ce que Madame de Fontrose aurait fait. Alors je me penchai à son oreille pour lui faire cette confidence. « Je crois Madame de B. revenue chez elle. Justine ne pourra-t-elle lui faire passer de mes nouvelles et me donner des siennes ?»« Soit, je l'en chargerai. » « C'est-à-dire que Madame de B. vous intéresse encore ?»« Non de la manière dont vous l'entendez, non, parole d'honneur. Mais je suis très impatient de savoir comment le marquis l'aura reçu. »« Je m'arrangerai de manière à pouvoir vous le dire demain. » Monsieur de Valbrun, quoiqu'il prétendît n'être point jaloux, ne nous quitta qu'à la porte de l'hôtel du comte. Monsieur de Lignol était chez Madame quand on nous annonça. La baronne, en me présentant la comtesse, lui dit « Je vous amène cette jeune personne, en qui vous trouverez toutes les qualités nécessaires aux fonctions de la triple charge dont vous l'honorez. Elle lit, écrit et cause bien. On la loue d'avoir fait d'excellentes études, mais c'est là son moindre mérite. Je lui connais des inclinations honnêtes, des goûts tout à fait louables et surtout des talents solides qu'on a rarement dans un âge encore si tendre et avec une aussi jolie figure. Ne croyez pas que j'exagère, comtesse. « Bientôt, vous deviendrez l'intime amie de votre aimable lectrice et vous découvrirez en elle un trésor de l'acquisition duquel vous me remercierez. »« Je vous en remercie d'avance, » reprit la comtesse. « Sur votre recommandation, je n'hésite pas. » »« Plusieurs de mes amis voudraient bien avoir des demoiselles de compagnie comme celle-là, » reprit la baronne. « Mais j'ai senti que je vous devais la préférence. Et puis, il faut tout dire, c'est un présent que j'ai voulu faire à Monsieur de Lignol. » La comtesse renouvela ses remerciements à la baronne et lui dit que dès ce soir... « Dès ce soir ?» interrompit le comte. « Attendez donc. Monsieur, je n'attends pas. Mais... point de mais, monsieur. Il y a 3 jours que je demande une demoiselle de compagnie. Et s'il fallait que j'attendisse encore, j'en tomberais malade. Si dans le monde on trouve ridicule... Que m'importe, monsieur ? On vous blâmera, madame, car je savais bien qu'il arriverait un de ces quarts dont vous me fatiguez sans cesse... et qui me sont insupportables, surtout quand vous me contrariez. Monsieur, dès ce soir, mademoiselle... Mais, madame, je vous observe... Oh, que je suis malheureuse! Je vous observe que si... La comtesse, irritée, prit une attitude fière, regarda Monsieur de Lignol avec majesté, et d'un ton le plus impérieux lui dit « Je le veux ». Puisque vous le prenez ainsi, madame, reprit le comte, il faut bien que cela soit. Que ne vous expliquiez-vous tout d'un coup ? Madame la baronne permettra seulement que j'examine un peu sa protégée, car souvent on parle de bonnes études, et Dieu sait ce qu'on entend par là. J'en ai vu de ces petits messieurs qu'on me vantait comme des prodiges. Ils avaient remporté tous les prix de l'université, et ne savaient seulement pas trouver le mot d'une énigme. Jugez donc de ce que ce était si on les avait priés d'en faire une. Mademoiselle, je ne doute pas que vous soyez instruite, car votre figure, vos manières... Comment vous nommez-vous, mademoiselle ? De Brumont. Vous n'êtes pas philosophe, j'espère. Non, monsieur, je suis honnête fille. Belle réponse, mademoiselle. Superbe. Superbe. Vous êtes de bonne famille, apparemment. Monsieur, je suis noble. Bon, encore cela, bon. Je vois que nous sympathiserons merveilleusement. Je vous avouerai que vous êtes arrivé ici dans un moment précieux. Quand on vous a annoncé, je rimais le dernier de ma charade. Oh, c'est que c'est une vraie charade, celle-là. « Écoutez, je vous prie, ma charade, et cherchez le mot. » Il est certain que, pour le trouver, il me fallut une sagacité peu commune. Monsieur le comte n'était pas heureux dans l'art des définitions, mais en revanche, chaque expression, grâce à la place qu'il lui donnait, devenait une énigme. « Elle l'a, ma foi, devinée, » s'écria-t-il, « preuve qu'elle a bien faite, la charade. Baronne, vous avez raison, c'est une fille vraiment étonnante. » « Monsieur, je suis fort aise, » répliqua Madame de Fontrose, « que vous la trouviez telle. Mais c'est surtout aux yeux de la comtesse que je veux qu'elle se montre ainsi. »« D'honneur, » répéta-t-il, « une fille étonnante. Elle vient de deviner ma plus belle charade. Une charade dont le plan seul m'a coûté 5 jours de méditation. Une charade dont j'ai travaillé le style pendant 9 jours et demi. Enfin, j'ai changé 18 fois le premier vers. Oui, 18 fois. Je faisais des variantes en dormant. » « Comme Voltaire, monsieur le comte ?»« Ah, mademoiselle !» Voltaire n'a jamais fait de charade, et puis c'était un philosophe. Revenons à mon ouvrage. Comment le trouvez-vous ? Très saillant, monsieur, et plein de charmantes antithèses. De charmantes ? Vous nommez cela des antithèses ? Je savais bien que je faisais des antithèses, moi. Je n'ai pourtant pas achevé ma rhétorique. Mais voilà des choses que certaines gens n'ont pas besoin d'apprendre. C'est la nature qui donne des antithèses. Mesdames, cela s'appelle des antithèses. Point du tout, monsieur, répondit la comtesse, entièrement occupée de ce que lui disait la baronne. Cela se nomme des bêtises. Comment, madame, des bêtises ? Oui, monsieur, ces petits coussins que nous mettons sur nos hanches pour relever et faire bouffer nos jupons s'appellent des bêtises. Ah, madame, s'écria-t-il, quelle réponse ! Il revint vers moi. Tenez, mademoiselle de Brumont, je ne dis pas cela pour vous, car d'honneur, vous m'étonnez. Mais les femmes sont bien petites avec leurs chiffons. Quand vous aurez gagné la confiance de la comtesse, ajouta-t-il tout bas, tâchez de lui donner des goûts solides. Chargez-vous de son instruction. Enseignez-lui le grand art des charades et des antithèses. Laissez-moi faire, monsieur le comte, que j'ai seulement le bonheur de lui plaire. Vous lui plairez, croyez-vous ? Vous lui plairez, j'en suis sûr. Eh bien, je lui apprendrai beaucoup de choses. Dont elle ne se doute pas, je vous en donne ma parole, et vous me rendrez un véritable service, dont je serai très reconnaissant. Vous avez trop de bonté, monsieur. Une autre vous remercierait, mais je suis tenté de vous en vouloir. Ailleurs, j'ai quelquefois occupé la place que vous m'invitez à prendre chez vous, et jamais Marie n'eut besoin de m'exciter à remplir auprès de sa femme des devoirs que je ne m'imposerais point, si l'exercice m'en paraissait désagréable. Mes soins pour madame la comtesse seront, quant à vous, toujours désintéressés, je vous jure. Revenons à mon ouvrage. Vous le trouvez surprenant, d'une simplicité sublime. Mais, monsieur, comment faites-vous ? D'abondance, interrompit-il. Mes plus longs vers ne me coûtent pas 15 jours de travail. Pour la mesure, je compte sur mes doigts. La rime, je la prends dans le dictionnaire de Richelet. Et la raison, je l'attends pendant 3 semaines, s'il le faut. Aussi mes vers sont très faciles. Et vos charades ont le mérite d'être faites en bouts rimés. Justement, chaque poète a son fer et voilà le mien. Vous ne me diriez pas cela ? Diantre, c'est mon secret. Il est mal gardé, monsieur le comte. Presque tous les beaux esprits du jour le possèdent. Lisez la foule de leurs opuscules que chaque semaine voit naître et mourir, sous le titre orgueilleusement modeste de « Mes fantaisies, mes souvenirs, mes essais, mes délassements, mes caprices, mes loisirs, etc. » Lisez les petites chansons de société, dont ils régalent leurs amis aux bons jours de fête et qu'ensuite ils adressent à la postérité dans ces almanachs prétendus poétiques qu'on achète au jour de l'an pour les oublier avant la mi-janvier. Lisez les ariettes de nos grands opéras comiques, de nos petits opéras lamentables. Lisez les doux madrigaux de nos comédies à la mode. Lisez nos odes germaniques, nos épouvantables tragédies. Lisez, monsieur le comte, vous verrez que tout cela se fait à peu près à votre manière et que la poésie moderne a sur l'autre l'avantage d'être tout en bouts rimés. Je vis qu'il prenait un air sérieux et je lui rendis sa belle humeur en l'accablant d'éloges. Là, sérieusement, reprit-il bientôt, ma charade vous a séduite. Et vous croyez que, sans se compromettre, on peut signer cela ? Assurément. Et comptez, monsieur, sur la reconnaissance publique. Il prit une plume, et sous le nom malpropre, il écrivit « Par monsieur Jean-Baptiste Emmanuel Frédéric Louis Chrysostome Joseph Comte de Lignol, seigneur des, et du, et de, lieutenant-colonel du régiment de, en garnison A, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, à Paris, rue, hôtel de... » Quoi, monsieur, vos noms, vos titres et votre demeure ? Mademoiselle, c'est l'usage. Là, vous lirez cela dans le Mercure de la semaine prochaine. Le comte, enivré de mon approbation, alla dire à la baronne qu'elle verrait bientôt quelque chose de sa façon dans les papiers publics. Ensuite, il s'adressa à la comtesse. « Madame, vous pouvez prendre, mademoiselle de Brumont, je vous certifie, moi, que vous en serez très satisfaite. Je vous la donne pour une fille rare dont on ne connaît pas tout le mérite. Vous pouvez la prendre, vous le pouvez. » « Monsieur, répondit la comtesse, je suis fort aise, que vous soyez de mon avis, mais déjà c'était une affaire arrangée. » M. de Lignolles revint à moi, et me tirant un peu à l'écart, il me dit bien bas « Mademoiselle de Brumont, j'ai une grâce à vous demander. » Monsieur parlait. « Je ne puis douter que vous n'ayez de bonnes mœurs, puisque vous êtes noble et ennemi des philosophes. Mais tous les jours, une jeune fille, quoiqu'elle soit sage, entend conter des aventures galantes et les répète. « Fuis donc, monsieur. Bon, vous me comprenez. Je désire que vous n'ayez jamais de ces sortes de conversations avec la comtesse. Cela n'est pas facile, monsieur, car les femmes, oui, aiment en général à causer de mille fadaises, qu'il leur donne une idée fausse du monde. Et je vous supplie d'éviter cela tant que vous le pourrez. Monsieur, je suis franche, je ne puis vous répondre. Tâchez, j'ai de bonnes raisons pour vous en prier. Je le crois, monsieur. D'ailleurs, vous n'aurez pas infiniment de peine, la comtesse est sur cela d'une grande réserve. Je n'en suis pas fâché. Et puis ses lectures sont choisies. Elle a de bons livres, bien moraux, qui n'amusent pas beaucoup, mais qui instruisent. Point de roman, par exemple, point de roman. Car dans ces maudits ouvrages, il y a de l'amour. Oui, ces messieurs nous assomment. C'est une chose bien désagréable. Mademoiselle, chez moi, pas plus d'amour que de philosophie, car tenez, la philosophie et l'amour. » La baronne, qui se levait pour s'en aller, interrompit le comte et me fit perdre le très beau parallèle que j'allais entendre. Après m'avoir sermonné, mon auguste protectrice me donna un baiser sur le front et s'en alla. Dès qu'elle fut partie, je priai la comtesse de me permettre d'aller me mettre au lit. Monsieur de Lignolles insistait pour que je restasse, mais un « je le veux » de madame lui ferma la bouche. La comtesse elle-même me conduisit au petit appartement qu'elle m'avait destiné. C'était une espèce de cabinet pratiqué au fond de sa chambre. Le comte me souhaita plusieurs fois le bonsoir d'un ton affectueux, et madame de Lignolles, en me donnant un baiser sur le front, me dit avec beaucoup de vivacité « Bonne nuit, mademoiselle de Brumont. Dormez bien, je le veux, entendez-vous ?»